Yeah. Écoute un rap sophistiqué de dingue, rien à craindre. Pas de flingue, j'ai pas besoin de ça pour faire danser tes fringues. On pose en playlist dans tout l'iPod. Y'a mon pote, protège tes côtes si tu nous boycottes. Garde la chevelle, des potes en guise de te traître. Grand respect au vrai, ça lâche trace, c'est dédicace à la rapace. Fils and drogue, maintenant que c'est la demeure. J'en les petits qui s'organisent et qui s'incitent à faire pleurer la mer. J'donne le meilleur rappeur authentique. Comme le disent les supporters, ma clique et pareil, ils sont magiques. Analyse, des noix altesses, le rap est en détresse. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Mais vite le sang dans ta caisse, yes. Tu kiffes, la France n'est pas près de nous oublier. Regarde, j'donne le meilleur avec une bavale dans le barillet. Aux guerriers, vous voyez, c'est qui qu'on écoute. Rap sort de l'égout, y'a tes goûts, moi j'en ai rien à foutre. Je rap, faut que je donne le meilleur de moi-même. Faut du son qui cartonne. On raconte pas nos fêtes. One player, tout moi-même. Regarde que le meilleur. Dans nos cités HLM. On sait qui est le meilleur. Moi je rap, faut que je donne le meilleur de moi-même. Faut du son qui cartonne. Car le rap coule dans nos veines. One player, de moi-même. Regarde que le meilleur. Dans nos cités HLM. On sait qui est le meilleur. Dans le meilleur de moi-même. Rafale dans ta tête, des pourrailles comme un matin, explosif tu te la pètes. Le micro en guise de glaive, tu piches, choc, je te répète. Démarrage sénégalais, numéro 1 dans cette compète. 93 équipe de choc, c'est Rino, Vitalité. C'est relou sur ma tête, trop de niveau dans la tête. Primé à la base, c'est bad, comme un boy qui va devant un string sans bas, pour qu'un con sans bas. Ça vient, ça va, pas besoin d'entretien. Tu veux un fils, ça va, pas besoin d'entretien. À cause de mensonge, façon, le style est présent. Nos plaisants, angoissant, et c'est la même à présent. J'ai un grand comeback, et petit comeback. Y'a pas de comeback, rapide comme on back. Ça me l'a raconté, mais depuis le début ça cartonne. Rappeur ça cartouche, je donne des phrases partout. Quand je rappe, faut que je donne le meilleur de moi-même. Faut du son qui cartonne. Quand on raconte dans nos veines. One player, tout moi-même. On garde que le meilleur. Dans nos cités HLM. On sait qui est le meilleur. Quand je rappe, faut que je donne le meilleur de moi-même. Faut du son qui cartonne. Car le rap coule dans nos veines. One player, de moi-même. On garde que le meilleur. Dans nos cités HLM. On sait qui est le meilleur. Deux mots de la sortie, Capuche Prolique a sorti. Dans le merde, moi-même j't'envoie dans les sorties. Trop pressé, press play sur ton poste. Manque de punch, mets les warnings, j'broche les gosses. J'donne le meilleur, quand j'rappe fire. Rappeur, broyeur, la bonne frappe d'ailleurs. J'prends Mike Malheur, comme Mike Myers. J'baiserai la France jusqu'à ce qu'elle crève et pas comme Mike Tire. Une rime dans le ghetto blaster, ma team est dans le secteur. De toute manière, j'ai dit à l'instituteur que j'ferai croûter les frères. 20 sur 20 dicté, c'est des stickers, c'est dicté. Tu me dictais, tac tic tac, les pathétiques dans ma tic tac. Depuis le bal des ombres, le respect mort. Mettez-vous, bande de cons. Que le rap marche par piston. Fais des pistes et ton rap, j'crois qu'il a le tas. Sur Altesse, entre la classe, si tu ring, là c'est ça. Quand je rap, faut que je donne le meilleur de moi-même. Faut du son qui cartonne. Quand on raconte dans nos veines. One player, tout moi-même. On garde que le meilleur. Dans nos cités HLM. On sait qui est le meilleur. Quand je rap, faut que je donne le meilleur de moi-même. Faut du son qui cartonne. Car le rap brûle dans nos veines. One player, de moi-même. On garde que le meilleur. Dans nos cités HLM. On sait qui est le meilleur. Quand je rap, faut que je donne le meilleur de moi-même. Faut du son qui cartonne. Quand on raconte dans nos one player, tout moi-même. On garde que le meilleur. Dans nos cités HLM. On sait qui est le meilleur. Quand je rap, faut que je donne le meilleur de moi-même. Faut du son qui cartonne. Car le rap brûle dans nos veines. One player, de moi-même. On garde que le meilleur. Dans nos cités HLM. On sait qui est le meilleur.